L'amour brûle comme un espoir. Je ferme les yeux, je sens ton feu. Chaque souffle s'inscrit dans mes yeux. Ride ce qu'il murmure près de ma peau. Sa voix rauque m'attache en écho. Nos deux souffles s'unissent, se lient. Chaque désir éclaire la nuit. Whisper closer, call my name. Every silence hides the flame. Through the shadows, hearts combine. Write a skill, your voice and mine. Born of secrets carved in sound. Every whisper pulls me down. We are right, a skill eternal. And our voices shake the ground. Soufflant glisse dans l'air. Chaque frisson devient prière. Je cède au feu qui me retient. Chaque mot s'écrit dans mes mains. Rider skill s'approche, il domine. Sa voix brute s'imprime, s'incline. Nos murmures serrent l'horizon. Chaque instant devient prison. Nos voix s'élancent dans le secret. Chaque mot tremble interdit, muet. Je sens ta force, je plie encore. Chaque note pèse plus fort. Rider skill m'entoure dans la nuit. Sa voix rock m'attache et me suit. Nos murmures coulent comme des draps. Chaque désir brûle tout bas. Mm-hmm. Whisper closer, call my name. Mm-hmm. Every silence hides the flame. Through the shadows, hearts combine. Write a skill, your voice and mine. Mm-hmm. Born of secrets carved in sound. Mm-hmm. Every whisper pulls me down. We are right, a skill eternal. And our voices shake the ground. Ton souffle, je me perds encore. Chaque vibration m'appelle plus fort. Rider skill brûle dans mes veines. Un chant intime, une douce chaîne. Rider skill. Rider skill. Mm-hmm. Rider skill.